On continue dans l'aspect française avec une autre nouveauté dans la doublette suivante, Happy Feast du débil en veux-tu en voilà. Happy Feast, ça nous vient de Marseille, c'est du hardcore, voilà, dans la plus pure tradition. C'est ni trop beatdown, ni trop truc avec quelques petits relents metalcore, mais pas le metalcore que j'aime, c'est un petit peu fait chier, hein, du coup. Cependant, ça reste bien débile et plutôt bien fait dans la globalité. C'est une autoprod, l'album s'intitule Live Fire, et on va s'écouter le très très bon Redemption, c'est le second morceau après l'intro. Voilà donc pour les présentations avec Happy Feast, et dans la foulée, Écorchure, qu'on s'écoute déjà depuis une ou deux semaines, je ne sais plus. On va s'écouter le titre de leur EP, Galibo. On est sur du death français plutôt bien branlé, chanté en français. Et c'est l'inénarrable Monsieur Kevin Paradis qui tient la batterie. C'est parti. Out! We'll be right back. pour la suite, toujours dans l'aspect française, encore de la nouveauté. Tout d'abord, Aesaria Consentia, groupe qu'on vous diffuse depuis une ou deux semaines déjà. Un titre qui fait 9 minutes initialement, là on l'a tronqué un peu pour en diffuser un peu plus de 5 minutes. Voilà, Aesaria Consentia, on en a déjà parlé du coup, comme je disais, les semaines passées, hein, du black français plus, vachement bien soigné, très porté sur les atmosphères, voilà, ça nous vient de Nantes. Voilà, enfin, j'ai peur de m'embrouiller un petit peu dans la présentation que j'ai fait la semaine passée, donc je vais passer à autre chose après Aesaria Consentia. Contentez-vous de prendre le temps d'écouter tout simplement ce nouvel effort studio d'Aetheria. Corrupted Pillar of Vanity, c'est le nom de ce nouvel effort studio. Et en doublette, une nouveauté avec Aetheria, Achiavel, Waywictis, un album qui sort en autoprod. Achiavel, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette nouveauté? Groupe de death formé tout récemment, hein, créé en 2018, et où ils ont sorti un EP, un album l'année dernière. Et là, le second album voit le jour au printemps. C'est une vocaliste, passée notamment par Anthropophago il y a 2-3 ans, hein, Aurélie, qui nous vient du nord de la France. Voilà, une nana qui a de l'expérience et qui a du coffre, a fait méchamment bien le taf. Au niveau du death, de la musique, pardon, on est sur un death tantôt classique, tantôt mélodesse, et avec des passages bien brutaux. Voilà. Achiavel, du death metal français tout à fait correct et tout à fait efficace. Au niveau de l'album, paf, les présentations ont déjà été faites. Waywictis, on va s'écouter le titre Pentagram Tattoo, et avant ça, Aetheria Consentia avec le titre Liturgy of the Ekrzoren. C'est parti. Thank you. Après ce bon moment spé française, retour à la diff internationale avec tout d'abord une nouveauté fumeuse, fumante, Bonzilla, tout d'abord avec un extrait de leur nouvel album Wisconsin, voilà, hein, quand on sait d'où ils viennent forcément le jeu de mots est assez frappant. Un nom culte chez les amateurs de Doomstoner, hein, Bonzilla, groupe ricain d'abord actif pendant une petite quinzaine d'années, entre 1995 et 2009. Voilà, 4 albums et diverses apparitions sur des splits et quelques EP. Le groupe disparaît un petit peu ensuite pendant quelques années, puis reformation en 2015. Et là, ils sortent enfin un nouvel album studio, les mecs prennent clairement leur temps. Cinquième effort studio, donc... l'album est déjà dispo. Et voilà, quand on connaît encore une fois Bonzilla, quand on sait d'où ils viennent, forcément le titre de l'album Wisconsin est complètement évident. Musicalement, qu'est-ce qu'on peut trouver dans ce nouvel effort de Bonzilla? Du gras, de la lourdeur et un peu du gras encore derrière. Pur Doomstoner avec quelques relents bien sludgy, des lignes vocales bien gras. Grinçante, limite death metal avec ce côté un peu vraiment dégueulant de Jeff Walker de Carcasse. Vous voyez un petit peu le cocktail terriblement efficace sur ce nouvel effort d'Erikin de Bonzilla. Et en doublette, on retrouve le hardcore surfing jazzy funk de Slope. Street Hits, c'est le nom de leur nouvel effort studio déjà dispo chez Beatdown Hardware Records. Bonzilla, Sunday Driver, Slope avec le titre Trend Surfing, c'est parti. People dreaming the normal 9 to 5. Say yes, I don't shake to my bro. Stand safe, stand wrong side. Both of me shining, so my lips don't care what that I say. Got the sound, fuck the half shit. Gonna push you on game, that's the only way for me. We stay the same. The sweet desire won't make us change. On commence à approcher tout doucement de la fin de l'émission. Avant-dernière doublette, et puis au milieu de tout ça, il y aura un groupe diffusé tout seul. Doublette suivante, donc, avec tout d'abord une nouveauté, Alter Rage. Nouveauté sortie chez Season of Mist, qui nous vient de l'autre côté des Pyrénées, puisque Alter Rage est une formation de death de Bilbao. On est sur un death chaotique et violent, avec quelques petits relents black metal. Sans trembler des genoux, on trouve carrément que c'est dans la veine de Portal ou DSKNT. Pour un groupe que vous avez diffusé il y a vraiment pas très longtemps. C'est étouffant, ça laisse pas trop de place au répit et au repos. Hein, écoutez ça au casque, ça vous mettra bien sur les rotules. Quatrième album en 6 ans de carrière, en plus les mecs sont hyper productifs. Voilà donc pour Alter Rage, une autre nouveauté, dernière nouveauté d'ailleurs pour aujourd'hui, une sortie Season of Mist, donc l'album s'appelle Succumb, et dans la foulée Woad, toujours le groupe de black anglais qui sort son nouvel album Burn in Many Mirrors, Magno Evento, le titre de Alter Rage, Serpent's Coil pour Woad, c'est parti. We'll be right back. Antépénultième groupe pour l'émission d'aujourd'hui, tout en classe, en finesse et en élégance, Midnight Odyssey, extrait de leur nouvel effort studio Biolume Part 2, The Golden Orb. Ce nouvel album est déjà disponible, toujours une version édite radio du morceau qu'on vous diffuse, hein. Enfin bon, version éditée uniquement pour le format radio béton, parce que si vous êtes patient, curieux ou en retard tout simplement, sachez que à partir de demain soir, hein, toujours le lundi en fin d'après-midi, vous pouvez retrouver l'intégralité de l'émission via notre petit blog, hein, vous tapez le Banger Blogspot, vous aurez tout le blabla que je vous sers, ainsi que toute la prog musicale et les morceaux édités en intégralité, parce que voilà, c'est beaucoup plus facile sur un podcast, sur un blog. Midnight Odyssey, le morceau normalement fait un peu plus de 12 minutes, on en diffuse 7 minutes, 7 minutes 30. L'extrait de ce nouvel effort de Midnight Odyssey pour ce soir, c'est Rise of Thunder. C'est parti. We'll be right back. Et c'est déjà la fin de l'émission avec la doublette de clôture, une doublette bah, tout en extrême. Hein. Après, il n'y avait pas eu beaucoup en même temps de tendresse, encore une fois, sur l'émission d'aujourd'hui. Un petit peu de heavy en début d'émission, enfin bref. Forceman, tout d'abord, formation islandaise qui nous sort son tout premier EP, c'est brutal, c'est glacial. Ce tout premier effort studio pour... Forceman s'intitule Donsum Langod Yoma, une sortie sur l'excellent label hollandais Van Records. On s'écoutera le morceau Vornargletja. Je suis toujours aussi appliqué hein, sur mon islandais, ça fait vraiment plaisir à entendre. Et dans la foulée, la formation Dispersed, là on est sur du pur brutal death slamisant. Ça nous vient de Russie, Biélorussie. Ils sortent leur premier effort studio Where Silence Reign. Dedans, on retrouve le vocaliste et batteur de Relic of Humanity. Hein, ça tâche proprement ce que nous propose Dispersed. L'album est déjà disponible et on s'écoutera le titre Glimpse of the Beyond, une sortie sur l'excellent label américain New Standard Elite. Sur ce, excellente fin d'émission à toutes et à tous. Rendez-vous dimanche prochain. Excellente semaine. Ciao, ciao. Yeah, the blade, oh, that's right, don't die.